Chapitre 43. Les gendarmes étaient deux, une femme et un homme. Le toubib repéra tout de suite le leader du binôme, la femme, dont il constata qu'elle était pourtant la moins galonnée des deux. « Où est-elle ? » demanda la gendarme. « Je vous conduis, » répondit-il. « Vous l'avez examinée ? » « Superficiellement, elle n'a pas de blessure grave, donc on a fait le strict minimum pour ne pas interférer. » « Vous avez bien fait, » le complimenta-t-elle. « Pour que les blessures puissent être examinées devant un tribunal, il va falloir qu'elles soient examinées sur réquisition judiciaire. On vient d'appeler le juge et le légiste est en route. Comment elle va ?» Il remontait les couloirs où régnait l'agitation habituelle, celle qui ne s'arrêtait jamais, celle qui ne tenait compte ni des deuils, ni des drames, car personne n'avait le temps de regarder en arrière. « Psychologiquement, vous voulez dire ?» Elle est en état de choc. Elle présente un traumatisme profond. Elle pleure beaucoup. Elle est proche du délire, mais pas forcément très loquace. Une réaction d'évitement classique. Concernant ses blessures, des saignements dans la région des yeux et du nez, une obstruction nasale, des ecchymoses en plusieurs endroits du visage et sur les membres, mais je n'ai pas détecté de signes de fracture osseuse. On va faire un CT scan pour le confirmer. Vérifier qu'il n'y a pas de lésion cérébrale et évaluer dans quelle mesure les os et les tissus mous sont endommagés. Et le plus tôt sera le mieux, ajouta-t-il en les regardant. Elle comprit le message. Ils contournèrent les brancards qui barraient en partie le couloir. On lui a aussi fait une prise de sang parce qu'elle a l'air sous l'emprise d'une substance, ou peut-être de plusieurs. Il n'y avait pas de temps à perdre. Comme vous le savez, des drogues comme le GHB disparaissent du sang et des urines au bout de quelques heures, pour retomber à un niveau indétectable. Et on lui a administré un antalgique aussitôt après. Il faudra effectuer un examen gynécologique le plus rapidement possible. La gendarme se redressa sans cesser de marcher. « Elle a parlé d'un viol ?»« Elle n'a rien dit sinon qu'on a essayé de la tuer. » Elle répète ça en boucle. « Elle a vu un psy ?» demanda son collègue prudemment. « Pas encore. Mais elle va devoir en voir un sans tarder vu son état, » répondit le toubib. « Je veux dire, pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'affabulation. » La gendarme et le médecin lui jetèrent un regard noir. « Attendez de l'avoir vu avant d'avancer des hypothèses de ce genre, » rétorqua ce dernier. Ils s'arrêtèrent au seuil de la pièce, puis la gendarme pivota vers les deux autres. « Vous pouvez me laisser seul avec elle un instant ?» Son collègue parut sur le point d'intervenir, mais il se ravisa et haussa les épaules avant de faire demi-tour. Le toubib referma la porte sans bruit. « Bonjour, Judith, » dit doucement la gendarme. « Bonjour. » Judith avait une mine de déterré, l'air d'avoir voulu arrêter un 36 tonnes avec son corps. Elle était assise à la tête du lit, calée contre les oreillers. Elle tremblait. La gendarme tira une chaise et s'assit sans cesser de sourire. « Judith, un spécialiste va venir vous examiner. Vous comptez porter plainte contre celui qui vous a fait ça ? Je vous conseille vivement de le faire. » Judith hocha la tête. « Très bien. Je vais maintenant vous poser quelques questions, si vous voulez bien. Vous vous sentez d'attaque ?» Nouveau hochement de tête. « Vous savez comment s'appelle celui qui vous a fait ça ?» Encore une fois, Judith hocha la tête. « Vous voulez bien me le dire ?»« Oui. Il s'appelle Morbus de la Croix. » Soleil et nuages, en alternance rapide, comme des clins d'œil célestes. En dessous, le bouillonnement de la végétation, le frémissement des cimes d'arbres à chaque souffle de vent, et face à eux, la patience inaltérable des montagnes. Les trois fourgons de gendarmerie se garèrent devant la demeure recouverte de lierre. Ce fut Artemisia qui ouvrit. Elle portait ce jour-là une robe portefeuille courte et sans manches, et des bottes en piton. « Votre mari est là ?» demanda le représentant de la brigade de recherche de Saint-Gaudens, qui avait pris le relais des deux gendarmes. Il était accompagné d'une demi-douzaine d'autres pandores, dont deux du peloton de surveillance et d'intervention. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Artemisia en remarquant du perron les deux hommes casqués et harnachés à la suite du petit groupe. « C'est quoi ce commando ?»« Il est à la maison ? s'impatienta le représentant de la maréchaussée. « Morbus !» lança-t-elle en se retournant. Morbus de la Croix se présenta, solennel, majestueux, pareil à un roi sans trône, vêtu d'un long peignoir de soie ouvert sur un caleçon zimmerli semi-transparent, les cheveux en pétard et l'air de manquer de sommeil. Quelques regards de gendarmes s'arrondirent. « Vous venez m'arrêter pour l'herbe que j'ai chez moi ?» dit-il en réprimant un bâillement. « Morbus de la Croix ?»« Non, son sosie. » « Nous sommes le 25 juin. Il est 14h03. À compter de 7h, vous êtes mis en garde à vue pour tentative d'homicide sur la personne de Judith Talandier. »